je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux avancer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre comme tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Je fonds de l'espoir dans la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue pour papa. Sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit raffermait ses ailes, je suis souvent.